RDL 103.5 Mercredi 10h-11h Musique RDL, il est 10h, bonjour à tous, vous êtes bien sur le 103.5 FM, vous êtes bien sur RDL et c'est l'émission Musique. Je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver comme chaque semaine entre 10h et 11h pour une heure d'émission de chansons françaises et internationales. Je vous propose de les diffuser, on va les écouter ensemble, mais on va aussi les décrypter. On va essayer de connaître les anecdotes, comment les paroles ont été imaginées, comment la mélodie a été composée, est-ce que les maisons disques ont tout de suite voulu absolument cette chanson, et quid de l'interprète, et aussi comment traduire les paroles en langue étrangère. Tout ça résumé en une heure avec 6 chansons spéciales décennies de 1960 à 2010. On traverse toute une époque musicale, encore une cette fois-ci pour cette nouvelle émission, dont voici le sommaire d'ailleurs. On commencera cette émission avec l'énorme artiste Bob Dylan qui en 1963 chantait Blowing in the Wind. Et puis ensuite, on reviendra avec une chanson française très connue, spéciale année 1970, avec le plus grand succès d'Il était une fois, qui en 1974 chantait J'ai encore rêvé d'elle. Et puis on reviendra, comme la chanson de Bob Dylan d'ailleurs, avec la guerre du Vietnam, puisque Born in the USA de Bruce Springsteen, c'était en 1984, et il y a justement un rapport, vous allez le voir, avec la guerre du Vietnam. Suivi, on reviendra avec un titre un petit peu plus léger quand même, beaucoup dans les années 1990. C'est le célèbre Wannabe des Spice Girls. Vous allez voir qu'il y a une petite histoire quand même derrière. Suivi du tube de l'été 2008, c'est William Ballet qui, il y a 10 ans, tout juste, nous ensoleillait avec son rayon de soleil. Et puis on terminera avec le chant des sirènes de Frérot de la Vegas, il n'y a pas si longtemps. C'était en 2014 et juste après, vous découvrirez le single de Jérémy Frérot, l'un des membres du groupe, en solo. Et on commence tout de suite cette émission, si vous le voulez bien, avec Blowing in the Wind de Bob Dylan, comme promis. Alors c'est extrait de l'album The Free Willing Bob Dylan. La chanson a été écrite en avril 1962, enregistrée le 9 juillet et sortie en mai 1963. C'est une chanson de protestation anti-guerre contre la guerre du Vietnam, je le disais tout à l'heure. Et il faut savoir que Bob Dylan avait à l'époque tout juste 20 ans seulement. Alors avant de parler de la chanson en elle-même, l'album dans lequel figure donc Blowing in the Wind se vend très mal à sa sortie et la première édition contient tellement de chansons censurées que le vinyle d'origine est une des pièces rares répertoriées les plus chères. La chanson quant à elle est considérée comme l'une des meilleures de tous les temps par de nombreux critiques, dont le magazine Rolling Stone qui a hissé en tête du classement une autre chanson de Bob Dylan. On avait parlé, souvenez-vous, il y a quelques semaines. La chanson Blowing in the Wind a été écrite en 10 minutes seulement par Bob Dylan, alors vraisemblablement dans un café en avril 1962, et ce serait une discussion en fait qui aurait inspiré les premières paroles, mais bon, c'est assez difficile de cerner avec précision les coulisses de cette chanson, tant Bob Dylan est mystérieux à ce propos. C'est vrai qu'on n'a jamais su à 100% quelle est l'histoire, la vraie de cette chanson, mais il y a quand même quelques hypothèses par-ci par-là qu'on peut avancer. C'est aussi ce qui fait l'originalité. Et quelquefois, pour certaines chansons, c'est ce qui est aussi le plus intéressant, d'ailleurs, émettre des hypothèses crédibles, évidemment. Alors, on a parlé des paroles, maintenant la musique. Là aussi, c'est impressionnant. C'est une musique inspirée d'un air traditionnel des esclaves noirs qui a été rapidement reprise à sa sortie par des étudiants de l'université. Je rappelle que la chanson est une chanson de protestation. Elle est sortie en 1963. Donc, même en France, hein, elle l'est aussi, puisque mai 68, c'est seulement 5 ans après. On n'est pas loin. Alors, à noter qu'il y a eu un soupçon de plagiat de cette chanson. Alors, on n'a jamais vraiment su s'il y avait eu plagiat ou pas de manière définitive. La justice, évidemment, s'est prononcée hein, dessus, le Bob Dylan aurait, selon certaines sources, acheté la chanson déjà toute faite, hein, écrite et composée, $1000 seulement à un jeune étudiant. Ça n'a jamais vraiment été prouvé et c'est surtout impossible à vérifier, aussi bien de la part de Bob Dylan que de l'auteur en question ou de quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Alors bref, une chanson mystérieuse dans son élaboration, hein, du moins de ce qu'on sait. mais moins dans la traduction des paroles que je vous propose tout de suite. Alors c'est le début de la chanson. Combien de routes un homme doit-il arpenter avant d'être appelé un homme? Oui, et combien de mers une colombe doit-elle survoler avant de se reposer sur le sable? Oui, et combien de fois les boulets de canon doivent-ils voler avant d'être bannis pour l'éternité? La réponse, mon ami, est emportée par le vent. La réponse est emportée par le vent. Blowing in the wind. Alors, c'est une chanson avec uniquement des questions. Blowing in the wind. La réponse est toujours emportée par le vent. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va écouter sur RDL tout de suite. On commence cette émission avec du bon Bob Dylan. C'est sur RDL, évidemment, ne bougez pas. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. C'était Bob Dylan sur RDL avec son Blowing in the Wind, emporté par le vent. Ça fait penser à une autre chanson, si vous voyez ce que je veux dire, qui n'est pas de Bob Dylan, évidemment, mais qu'on aura tous reconnu. Bob Dylan qui a eu, je vous le rappelle, le prix Nobel de littérature. Pour un chanteur, c'est quand même très particulier. C'était en 2016, il y a tout juste 2 ans. Et après la chanson spéciale année 1960, je vous propose donc la chanson 1970. On va redescendre un petit peu, j'allais dire sur terre, non, pas vraiment, puisque c'est une magnifique chanson, une chanson d'amour, cette fois, avec « J'ai encore rêvé d'elle » d'Il était une fois. C'est le plus grand titre du groupe, qui connaît son premier grand succès en 1972, grâce à une chanson écrite et composée le soir de Noël 1971. Mais « J'ai encore rêvé d'elle » date, elle, de 1974. Le chanteur, batteur et compositeur du groupe Richard De Witt, pour ne pas le nommer, compose des musiques pour un prochain album, dont une très très lente, très slow aussi, qu'il intitulera dans un premier temps « Opéra ». Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça lui a fait penser à un opéra, cette chanson. On pourra en juger d'ailleurs si on écoute attentivement uniquement la mélodie de cette chanson. Alors c'est pas vraiment la signature musicale du groupe, ils sont pas vraiment habitués à des solos, à un truc très très lent hein, quand même, en tout cas pas en 1974. Le texte d'amour hein, écrit par-dessus a été écrit par Serge Coulen, guitariste, le guitariste même du groupe, et accessoirement si je puis dire, compagnon de la chanteuse du groupe Joël pendant 10 ans entre 1969 et 1979. Hein. Je vous rappelle, mais on sait tous que Joël Morgensen a fait partie du groupe hein, jusqu'en 1979. Elle est partie pour faire une carrière solo. Elle a eu nettement moins de succès parce qu'elle n'a pas vraiment eu les mêmes auteurs et les mêmes chansons, on va dire. Et elle est décédée en 1982 à seulement 28 ans. Et à vrai dire, dans cette chanson, J'ai encore rêvé d'elle, il n'était pas du tout prévu à la base que Joël chante dans cette chanson. On l'entend qu'à partir du deuxième couplet, comme si elle répondait en fait aux paroles et aux propos du mec en question, parce que dans un premier temps, elle n'était pas prévue tout simplement parce que la chanson n'était pas vraiment adaptée à sa voix. Et au final, ils ont l'idée de cette espèce de ping-pong à partir du deuxième couplet entre le chanteur et la chanteuse, et c'est en revoyant la chanson, en la remodelant, justement, pour que Joël puisse chanter que ça corresponde à sa tonalité, par exemple. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de cette interprétation. Alors, évidemment, comme j'ai presque envie de dire toutes les grandes chansons qui sont devenues très célèbres, on commence maintenant à force hein, de ces 17 émissions, on commence maintenant à le voir, eh bien, leur maison de disques, EMI, aime certaines chansons de l'album hein, qui sont présentées. Mais alors, pas du tout, J'ai encore rêvé d'elle. Faut dire que la phrase hein, qu'on entend au début, les draps s'en souviennent, hein, ça choque à l'époque. Mais la directrice des variétés de RTL, c'était Monique Lemarcy, précurseur de nombreux tubes à l'époque, hein, quand même, grâce à elle, justement, les tubes ont été diffusés sur RTL et c'est comme ça qu'ils ont été de grands succès. Elle adore ce titre et elle décide de le passer en boucle sur les ondes. Bah, résultat, Amy est bien priée de revoir sa copie, hein, quand même, pour mettre J'ai encore rêvé d'elle en première piste et non pas en dernière de l'album, comme il l'avait pensé. Résultat, 500 000 exemplaires vendus. On peut dire que c'est quand même grâce à Monique Lemarcy et nos confrères de RTL à l'époque, en 1974, si cette chanson a bien plu au public, parce qu'avant que la chanson n'atteigne les oreilles des auditeurs, il faut quelqu'un qui accepte de la diffuser en radio. Bref, un titre dont le succès tient en trois lettres, RTL et non pas EMI, mais aujourd'hui, en 2018, c'est bien RDL qui diffuse J'ai encore rêvé d'elle sur RDL. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses « je t'aime ». Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir. Une nuit juste pour elle et moi, et demain matin elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle, je rêve aussi, je n'ai rien fait pour ça. Vraiment belle, j'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Réveille-toi. Tout est Là sur RDL, justement, on est tous là. D'ailleurs, merci beaucoup au passage de nous suivre et d'être aussi fidèles à RDL tout au long de la semaine, en particulier le mercredi de 10h à 11h en ce qui me concerne pour cette émission Musique où nous décryptons les plus grandes chansons françaises et internationales. On les explique, on les décrypte et on gratte un petit peu en quelque sorte le vernis de ces chansons pour justement essayer de connaître les origines, comment ces chansons ont été faites en l'occurrence pour J'ai encore rêvé d'elle. Vous le savez, c'est pas du tout prévu au départ. Et puis ensuite, la maison de disques n'aimait pas forcément. Et puis RTL, lui. Et puis voilà, comme quoi, il suffit de rien pour faire une chanson et un très très grand tube. Alors, l'histoire est quand même un petit peu plus différente, même un petit peu beaucoup différente pour Bruce Springsteen, hein, qui en 1984 chantait l'un de ses plus grands tubes, parce que c'est pas le seul justement pour lui. Il a fait Né aux États-Unis, Born in the USA. Alors, la chanson est sortie le 4 juin 1984 aux USA, en 33 tours, hein, évidemment. C'est un disque de platine en 48 heures, ce 33 tours. Ça vous tire quand même l'énorme succès dès sa sortie qu'il y a eu pour cette chanson aussi. 15 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis, 20 millions à travers le monde par la suite. Et Springsteen a alors déjà près de 12 ans de carrière à ce moment-là. Et c'est le troisième extrait, Born in the USA, de son album du même nom, enregistré en 1982 dans un studio new-yorkais, mais qui pourtant est sorti en 1984. Alors Bruce Springsteen dénonce dans cette chanson les travers de la politique sociale de son pays, les États-Unis, à travers le retour aux États-Unis d'un vétéran qui a participé à la guerre du Vietnam et qui se retrouve au chômage. C'est justement le lien dont je parlais en début d'émission pour ceux qui suivaient, entre cette chanson et Blowing in the Wind de Bob Dylan, où il y a des similitudes justement en rapport avec ce thème-là. Mais attention, la chanson de Bruce Springsteen, comme celle de Bob Dylan d'ailleurs, ne sont pas du tout des chansons patriotiques, hein. Ça a été ensuite déformé en quelque sorte. On pense que c'est une chanson patriotique, mais Bruce Springsteen n'a jamais fait cette chanson, puisque c'est lui qui a écrit et composé les paroles de cette chanson pour être une chanson patriotique. En fait, la chanson est inspirée par des amis de Springsteen qui ont fait la guerre du Vietnam. Certains en sont même morts, comme le batteur de son premier groupe. Et du coup, Springsteen, qui n'a pas fait, lui, la guerre du Vietnam, il aurait dû, mais il ne l'a pas fait parce qu'il s'était abîmé la jambe après un accident de moto. Et ça lui a toujours un petit peu trotté dans la tête, hein, en quelque sorte, le fait que ses amis l'ont fait, ses amis sont partis, et que lui, pas, et qu'il a vécu et qu'il vit encore, d'ailleurs, contrairement à ses amis. Il a refusé deux fois l'utilisation de cette chanson Born in the USA dans les campagnes électorales, respectivement de Ronald Reagan et de George Bush père, justement parce qu'il ne voulait pas en faire une chanson patriotique. La chanson a été initialement écrite pour un film dont Springsteen devait tenir un rôle, mais au final, ça ne s'est pas fait et Springsteen a décidé tout simplement de sortir ce titre en hommage en quelque sorte à ses amis et à tous ceux qui ont fait la guerre du Vietnam en single de son album. Et concernant les paroles, la traduction des paroles de cette chanson, je vous propose le premier couplet, le refrain et le second couplet. Alors ça commence par « Born down in a dead man's town », né dans une ville paumée, j'ai reçu mon premier coup quand j'ai touché le sol, on finit comme un chien trop battu, passant la moitié de sa vie à s'en remettre. Et le refrain « Born in the USA, I was born in the USA », né aux États-Unis, je suis né aux États-Unis. Évidemment, dans le refrain, vous connaissez la chanson, c'est un petit peu plus lent que ça. Deuxième couplet, « Got in a little hometown jam, foutu dans le pétrin à la ville, ils m'ont mis un fusil dans les mains, m'ont envoyé dans un pays lointain pour aller tuer l'homme jaune. » On comprend très très bien l'histoire de la chanson maintenant et les différentes références aussi à la guerre du Vietnam. Voici donc tout de suite, on se remémore la chanson en tête, c'est Bruce Springsteen et son Born in the USA sur RDL. Vous êtes toujours au 103.5. born in France. Ce qu'on pourrait dire, nous, né en France et non pas born in the USA comme Bruce Springsteen. C'était donc la chanson spéciale année 1980 de notre émission. J'espère que vous avez bien chanté comme moi dans le studio. Heureusement, je vous rassure, enfin j'espère, le micro était éteint. Et là maintenant, là aussi, on va peut-être chanter. C'est peut-être un plaisir coupable d'ailleurs, hein, si on chante sur cette chanson quand même. On va pas se mentir non plus, c'est pas une chanson extrêmement intellectuelle, contrairement d'ailleurs à Born in the USA, où il y a un vrai message, ou comme Bob Dylan d'ailleurs, et son Blowing in the Wind. C'est effectivement différent pour la chanson spéciale année 1990 que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, en ce jour, Wanna Be des Spice Girls. Eh oui, ça date de 1996, c'est le premier titre et même le plus grand succès du groupe Spice Girls, littéralement les filles épicées, inspirées du nom d'un rappeur américain, en fait, où il y avait le Spice justement dans son nom, et puis vu que c'était filles, ben girls tout simplement. Alors elles étaient en 1996, pardon, au sommet des charts dans 27 pays, dont les États-Unis, avec ce titre Wanna Be. Et quel est le succès de la réussite? C'est vrai qu'on se demande toujours concernant cette bande de filles à 5 et ce titre, surtout ce titre d'ailleurs, pourquoi ça a autant accroché à nos oreilles. Et ben en fait, c'était des filles qui, dans un premier temps, n'étaient pas du tout des filles entrées dans le show business. Elles sont entrées par hasard, sans formation, dans un premier temps. En fait, elles avaient simplement le producteur anglais Chris Herbert, l'initiateur du groupe, donc avait simplement publié une annonce dans les journaux locaux en Angleterre, et il voulait choisir 5 filles sur les 400 prétendantes qui se sont présentées. Il a choisi 5 filles au style bien différent, bien particulier, avec une personnalité bien à elle. À chaque fois, il y a une ancienne stripteaseuse, il y a une séductrice, il y a une Lolita, une sportive, garçon manqué, et même une fille tellement heureuse d'être là qu'elle ne le montre pas. Je vous laisse deviner de qui il s'agit, je suis certain vous l'avez reconnu, c'est justement la plus connue. Alors, le casting, lui, est particulièrement draconien, avec une formation d'un an et demi pour apprendre, pour répéter, pour aussi supporter le poids de la célébrité avant de démarrer leur carrière. C'est vrai que le producteur, il croyait beaucoup, hein, il croyait énormément, et il a réussi l'exploit de le faire. Il l'a fait, puisque même si aujourd'hui le groupe s'est séparé, Wanna Be, c'est un énorme tube. Elles ont fait plusieurs albums quand même, et elles ont même créé l'événement en 2012, c'était il y a déjà 6 ans, en se reformant pour la première fois pour chanter à l'occasion de la cérémonie de clôture, je crois de mémoire, leur tube, et bien d'autres, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2012. C'était à Londres, il y a 6 ans. Alors, Wanna Be, ça veut dire « je veux être », littéralement, hein, c'est une genre de revendication féministe, hein, et puis on dit stop au machisme, ce qui est quand même assez d'actualité depuis notamment l'affaire Weinstein. Autant dans les années 1960, c'est vrai que les filles étaient plutôt libérées, elles brûlaient leur soutien-gorge, hein, autant les Spice Girls, elles ont jeté 5 poupées gonflables dans la Tamise, hein, qui est le fleuve londonien, pour revendiquer le girl power à la sortie de Wanna Be. Peut-être que ça leur a porté chance, au fond, on ne sait pas, peut-être. Le succès n'a duré que 2 ans pour ce groupe, mais chacune a réussi à survivre plus ou moins après dans ce monde impitoyable. Jerry Halliwell, par exemple, s'est rendu célèbre après en solo avec la reprise de It's Raining Men, je l'ai diffusé il y a quelques semaines d'ailleurs, le succès aussi a tellement été important que certaines carrières solo ont malgré tout rapidement avorté, mais pas toutes, et certaines sont même lancées dans la mode, c'est le cas de Victoria Beckham. Alors la traduction de ce titre, hein, avec des paroles particulièrement profondes, vous allez l'entendre juste avant de vous diffuser le morceau, je sais que vous l'attendez avec impatience. Yo, je vais te dire ce que je veux vraiment vraiment, alors dis-moi ce que tu veux vraiment vraiment. Si tu veux aller plus loin, oublie mon passé, c'est le premier couplet, hein. If you want my future, forget my past. Si tu veux aller plus loin, oublie mon passé. Si tu veux sortir avec moi, tu ferais mieux de te dépêcher. Ne me fais pas perdre ce temps qui m'est précieux. Arrête ta comédie, ça pourrait fonctionner, nous deux. Si tu veux être mon amant, tu dois bien t'entendre avec mes amis, et ce, pour toujours, car l'amitié dure éternellement. Si tu veux être mon amant, tu dois aussi donner, car recevoir, c'est trop facile, mais bon, c'est comme ça. Vous l'avez dit, les paroles sont particulièrement profondes. Voici donc pour notre plus grand plaisir, ou pas, d'ailleurs. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting. be my lover. You gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Wanna be my lover? You gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's your story from A to Z. You wanna get with me? You gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. Who doesn't come for free? She's a real lady. And as for me, if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta stop. Make it last forever. You gotta get with my friends. Si tu veux être mon amant, tu dois bien t'entendre avec mes amis. Make it last forever. Friendship never ends. Et ce, pour toujours, car l'amitié dure éternellement. If you wanna be my lover, you have got to give. Si tu veux être mon amant, tu dois aussi donner. Taking is too easy, but that's the way it is. Car recevoir, c'est trop facile. Mais bon, c'est comme ça. Je sais, j'ai un anglais très parfait. C'était Wanna Be the Spice Girls sur RDL. Je veux être avec vous pendant encore une demi-heure. Et oui, nous sommes ensemble depuis 10 heures. On est là jusqu'à 11h ensemble sur RDL avec musique. Et après Wannabe, donc des Spice Girls, qui date de 1996, je le rappelle, je vous propose sans plus attendre de faire un bond de 12 ans plus tard pour une chanson en français, un tube de l'été, c'est sorti il y a 10 ans, on s'en souvient encore, c'est Rayon de soleil de William Baldé. Alors on se souvient très très bien de la chanson, par contre on ne connaît pas du tout l'histoire de ce titre, et vous allez voir, il a fait une rencontre très particulière avec une sorte de retour de service en quelque sorte, et j'ai beaucoup aimé cette histoire, raison pour laquelle j'ai choisi ce titre pour aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on remet ça dans le contexte de la carrière de William Baldé, c'est son premier succès, c'est un chanteur franco-guinéen, il a signé le tube de l'été 2008 il y a 10 ans, et c'est issu de son deuxième album intitulé Encore étranger. Il en a sorti un troisième en 2010, et puis jusqu'à présent plus aucune trace d'ailleurs de lui, mais quand même l'histoire est complètement dingue, je trouve. La voici d'ailleurs, je vous la raconte. Alors au milieu des années 1990, on a commencé par la même époque des Spice Girls, et bien en France, Baldé est dans un groupe signé chez EMI Music, comme il était une fois le même label. Alors, et puis un bar du sud de la France engage le groupe en question pour assurer l'ambiance, et ils reprennent des tubes jazz, soul, bref, des sons qui bougent. C'est pas pour rien si William Baldé a fait Rayon de soleil, ensuite un tube de l'été très dense. Et puis un jour, un jeune homme demande à Baldé s'il peut chanter avec lui. Et Baldé, assez flatté quand même, lui répond en faisant mieux que ça, et il lui a même proposé carrément de faire la première partie de son groupe. Et ben résultat, ce jeune homme fait les premières parties de Baldé et de son groupe dans le sud de la France. Et puis, à partir des années 2000, quelques années plus tard, Baldé rencontre un guitariste, un batteur du nom de Gilles Jimenez, qui est assez connu dans le métier, et qui parvient à lui convaincre de chanter des chansons en français. Et c'est là qu'ils composent ensemble, avec trois autres titres, Le Solaire, Rayon de soleil, justement. Alors Baldé présente donc ces fameux titres à des maisons de disques, et là c'est un peu l'inverse de Il était une fois, par exemple, les maisons de disques limite s'arrachent le titre. Enfin, Warner en particulier s'arrache le titre, il se montre intéressé et il signe William Baldé à l'automne 2007. Rayon de soleil est envoyé sur les ondes dès l'été 2008. Hein, Warner a bien senti quand même que c'était plus un tube de l'été qu'il fallait sortir au printemps pour que ça puisse ensuite être justement dans toutes les boîtes de nuit, les radios et compagnie en juillet, août de cette année-là. Le succès est garanti et le jeune homme qui a fait sa première partie au milieu des années 2000 lui propose, pour le lancer sur scène, de faire les siennes cette fois, parce qu'il est devenu connu quasiment au même moment en 2007 et que son premier album solo a tellement bien marché que sa tournée française est un triomphe devant 400 000 personnes. C'est vous dire s'il est quand même haut placé et en plus le meilleur, c'est que vous le connaissez tous. Mais avant de lancer le titre et de se rappeler que l'été, c'est fini malheureusement depuis un petit temps, enfin niveau saison, mais quand même moins niveau beau temps, parce qu'on a pas mal aussi bien le beau temps que la chaleur au passage. C'est vrai que je vous ai pas encore donné le nom de ce jeune homme du sud de la France qui a connu ce succès en même temps que Baldé et qui a signé au même moment que lui chez Warner. Allez, fin du suspense, ce jeune homme, eh bien c'est Christophe Maé. Eh ouais, une longue amitié est née entre les deux hommes depuis près de 20 ans maintenant. L'un a commencé en 2007 et fait toujours carrière aujourd'hui. William Baldé, à ma connaissance, est reparti. C'était une carrière solo qu'il avait entamé avec Rayon de Soleil. Et là, aujourd'hui, il est reparti avec son groupe. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont toujours amis aujourd'hui et que Rayon de Soleil reste malgré tout le grand tube de l'année 2008. Et je vous invite à danser sur le 103.5 sur RTL. Rayon de soleil, dors sur tes cheveux longs, sur nos corps de seigle, et nous joue du violon. Sommeil de plomb, une guitare sèche, nourrie dans la maison. Hey babe, take a walk on the water side. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul. Sur ton petit cul, cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul, qui cherche le chemin, qui cherche le chemin, qui cherche le la, chemin, la la la la, qui cherche le chemin, qui cherche la, le chemin, la la la la la, qui cherche la, le chemin, la, aux abeilles se mêle la voix de Bob Dylan. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul. Cherche le chemin, un matin suspendu, la fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul. A la route. William Baldé sur RDL avec le rayon de soleil. Ça date de 2008. À noter, vous l'avez entendu hein, et vous l'avez très certainement remarqué. Il cite Bob Dylan dans la chanson, nous qui l'avons diffusée en début d'émission, et même Walk on the Wild Side, référence à Lou Reed, également diffusée il y a aussi quelques semaines. Ah, et puis c'est bien parce que ça nous a rappelé l'été aussi, et puis ça nous a permis de danser, ça nous a permis de bouger et de nous faire remarquer une fois de plus que l'été n'a pas vraiment totalement disparu, en tout cas pas à 100%, réchauffement climatique oblige d'ailleurs. C'était William Baldé sur RDL. Allez, je vous propose maintenant une autre chanson, cette fois que nous connaissons tous également, puisqu'elle date d'il y a seulement quelques années. Alors, elle a fait un carton, mais alors on l'entend encore aujourd'hui, c'est vous dire. C'est du duo Frérot de la Vega qui s'est séparé il n'y a pas si longtemps que ça, mais dont on se souvient encore. On continue avec le Chant des Sirènes, si vous le voulez bien. Ça date de 2014 et c'est le troisième single ici du premier album du groupe français, sobrement intitulé hein, Frérot de la Vega. L'album est donc sorti en 2014. La chanson est sortie en tant que single, elle, en 2015, après le célèbre Sweet Darling, hein, 300 000 exemplaires et disque d'or pour ce single quand même. C'est vous dire si ça a été vraiment un très très grand succès. Alors Frérot de la Vega, c'était un duo hein, qui était tous les deux candidats à The Voice 3 dans l'équipe de Mika, qui ont été éliminés en demi-finale, je crois, si ma mémoire est bonne. Et il est composé de Jérémy Frérot et de Flo de la Vega, deux amis d'enfance et nos frères, comme on l'a très très longtemps cru, qui se sont connus en licence de STAPS, en licence de sport, donc, parce que tous les deux voulaient devenir professeurs d'EPS, professeurs d'éducation physique et sportive. Alors, Florent de la Vega, lui, il a réussi, puisqu'il l'a été hein, dans un collège, hein, si ma mémoire est bonne, en Gironde, et ils se sont surtout connus tous les deux lorsqu'ils étaient sauveteurs en mer, en Gironde, leur département de naissance. Alors, comme je le disais, Flo de la Vega, lui, il a enseigné en tant que prof de sport. Jérémy Frérot, lui, il a été pion à Bruges. Il a été pion dans un collège parisien, pardon, mais il est né à Bruges, Jérémy Frérot, en Gironde. C'est pas le Bruges de Belgique, c'est le Bruges de Gironde, cette fois. Alors, ce premier album, hein, je le rappelle, sobrement intitulé Frérot de la Vega, parle de l'enfance, de la nostalgie, de leur parcours aussi, eux qui ont travaillé avant de pouvoir faire carrière dans la musique. Et justement, le Chant des Sirènes, que l'on va écouter, eh bien, fait partie de ce thème d'enfance, de nostalgie et de parcours. Le Chant des Sirènes, vous savez, c'est cette référence hein, à ce chant qu'on ne peut pas résister, un petit peu comme Ulysse dans la mythologie grecque qui s'attache dans le mât du bateau et qui entend le chant des sirènes et qui parvient à résister. Ça fait un petit peu appel au passé. Et bien justement, la chanson aborde le Chant des Sirènes, cette chanson aborde leurs racines puisqu'ils sont bordelais et ça s'entend d'ailleurs dans les paroles. Enfant des parcs, gamin des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts, le temps n'épargne personne hélas, les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Voilà donc la fameuse référence. Et puis, preuve que ça parle de nostalgie aussi, le refrain « Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. » Ils l'ont dit eux-mêmes hein, dans une interview que ça a été dur pour eux de quitter leurs parents et leur région. Hein, je les cite hein, dans une interview à Pure Break il y a quelques années. Le duo disait « Le chant des sirènes est une des collaborations faites avec Barcella. » Ils nous avaient proposé de parler du thème de l'enfance, on l'a aiguillé, il nous a fait ce magnifique texte. Cet album, c'est notre carte d'identité, on raconte notre histoire et notre envolée. C'était important pour nous d'en parler et c'est important pour nous de l'écouter. C'est le Chant des Sirènes des Frérots de la Vega sur RDL, bien sûr. Enfant des parcs, gamin des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le sirène me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da. Les frérots de la Vega sur RDL avec le chant des sirènes, ça date de 2014. Les frérots de la Vega qui est donc un groupe qui s'est séparé en juin 2017 à la demande de Flo de la Vega qui voulait plutôt arrêter et revenir dans l'anonymat. Il a eu une fille en 2017 et il avait un petit peu marre du show business et de toutes les tournées comme ça. Il voulait un petit peu se poser. Je crois qu'il est reparti justement en Gironde, si je ne me trompe pas, là où ils sont nés. Et c'est justement ce qu'évoque cette chanson, le chant des sirènes sur RDL. Et maintenant, on va continuer avec les frérots de la Vega. Enfin, pas tout à fait, puisque je le disais, frérots de la Vega, c'est un duo qui a éclaté, du coup, et il y en a un qui a décidé de ne pas continuer l'aventure de la musique. L'autre, oui, il s'agit de Jérémy Frérot, et ça tombe bien, il a sorti un nouveau single récemment. C'est Jérémy Frérot qui, lui, voulait continuer, il l'a fait en solo, lui qui s'est marié en mai dernier à Laure Manaudou, et ils ont une fille, hein, tous les deux. Il a eu le temps de confectionner son premier album, d'ailleurs, son premier album part peut-être, hein, certainement de sa vie et de sa famille, en plus de sa région. Et le premier album de Jérémy Frérot s'appelle Matrioshka. Il est sorti depuis le 12 octobre 2018 et son premier single, eh bien, c'est Revoir. Et c'est justement ce titre-là que nous allons entendre. À noter que Jérémy Frérot, il est venu à Colmar en concert le jeudi 27 septembre dernier. Hein. C'était un live collectif en quelque sorte avec plusieurs artistes comme Joy Jonathan ou encore il y avait Gaëtan Roussel aussi. Il y avait énormément d'artistes locaux, hein, également, puisqu'il y avait les Orinois Vita et Claudio Capeo qui ont chanté aussi bien en solo l'un après l'autre et ensemble le titre Un peu de rêve qu'on avait entendu il y a quelques semaines. En attendant, c'est Jérémy Frérot qui chante son premier titre issu de son premier album solo. Ça s'appelle Revoir et c'est évidemment sur RTL. Je vous laisse découvrir. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y passer. Penser à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. passé penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Regarde bien tous ces gens, ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. C'était Revoir sur RDL, Jérémy Frérot, et d'ailleurs on parlait justement du chant des sirènes avec les souvenirs que ça évoquait. Il y a aussi justement ici dans le refrain le temps qui passe, hein, Jérémy Frérot dans ce titre. Et puis c'est vrai qu'on pense que cette chanson, en tout cas moi j'interprète comme ça à première vue, qu'il parle à destination d'une fille, mais au fond de, si on passe en revue certaines paroles, et je dis bien certaines paroles de la chanson, ça pourrait presque aussi être un titre de retour justement avec son public, puisqu'il a dit au revoir à son public pendant un an justement, et que le temps a passé et qu'il est revenu en force avec ce premier single. Ça s'appelle Revoir et c'est issu de son premier album, je le rappelle, intitulé Matryoshka, qui est sorti le 12 octobre dernier et que vous pouvez vous procurer. Et je vous propose donc de terminer cette émission, parce que c'est déjà la fin, lui dans un titre seulement, avec une chanson un petit peu encore plus connue, qui date d'il y a quelques mois seulement, mais qui est sortie cette année, hein, en 2018. C'est le célèbre et incontournable désormais, tellement qu'on l'a entendu, le célèbre Havana de Camila Cabello. Alors, le grand tube de l'été, hein, c'est une chanteuse cubaine, Camila Cabello, qui a 21 ans et qui a été membre des Fifth Harmony, sort de Spice Girls des années 2010, en fait, puisque c'était 5 filles également. Le groupe, je crois, s'est séparé là aussi en 2017, si je ne me souviens bien. Camila Cabello, elle a quitté le groupe en 2016 pour continuer dans la musique en carrière solo. Elle a bien fait, puisque ça marche plutôt bien, avec ce titre qui s'appelle Havana, du nom de la capitale de Cuba, sa terre d'origine, son pays d'origine. Voici donc Havana de Camila Cabello sur RTL. Hey. Ooh. Smash that bitch down. Up on the board like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy. Shawty craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Shawty caking on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making on me. On me. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana. C'était Havana Onana, Havana de Camila Cabello sur RDL. C'est une chanson qui, il est vrai, est devenue particulièrement célèbre cet été, mais pas que. Et elle a fait également d'autres reprises. C'est vrai qu'elle a beaucoup de succès hein, depuis qu'elle est partie de son groupe, les Spice Girls, je le disais façon 2010, hein, les Fifth Harmony. C'est vrai qu'en général, c'est plutôt casse-gueule. Et ben elle, c'est une exception. Elle a plutôt réussi. On lui souhaite, en tout cas, comme tous les autres, une très très grande carrière. Et c'est avec Camila Cabello qu'on se quitte, car l'émission est déjà terminée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, entre 10h et 11h sur RDL, chaque mercredi. Je vous souhaite de passer un excellent mercredi. Je vous souhaite également de passer une très très bonne fin de semaine. Bon courage, le week-end arrive bientôt. C'est pas tout de suite, mais ça arrive très vite. Et puis n'hésitez surtout pas à écouter de la musique, votre musique, c'est très important, ou à suivre la programmation de RDL. Excellente fin de journée à tous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Salut à tous.